Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Ma ba'd. Le quatrième fondement, la foi aux messagers. Ar-Rusul, les messagers, le pluriel de Rasoul, qui a pour sens Mursal, c'est-à-dire envoyé. Et ce qui est voulu ici, c'est celui qui est envoyé afin de délivrer un message, une chose. Et ce qui est visé ici, c'est celui parmi les humains qui aura reçu la révélation, à qui il lui aurait été révélé une législation et qui aurait été ordonné de la transmettre. Et la foi au prophète, de manière générale, est la croyance de manière formelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya dans chaque communauté un messager qui les appelle à adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, ainsi que de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le sens de ses paroles: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. De même que la croyance au messager de manière générale consiste à croire au fait que l'ensemble d'entre eux sont véridiques, qu'ils sont bons, qu'ils sont droits, qu'ils sont nobles et justes, qu'ils sont sûrs, qu'ils sont des guides, eux-mêmes bien guidés. Ainsi que le fait qu'ils sont, pour l'ensemble d'entre eux, sur la vérité et la guidée éclatante, qu'ils sont venus à leur peuple avec l'épreuve de leur Seigneur. Allah dit dans le sens de ses paroles: nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. De même que la croyance aux messagers de manière générale implique le fait de croire que le fondement de leur appel, de leur prédication, est le même. Celui-ci est l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Néanmoins, leurs législations sont différentes. Allah dit dans le sens de ses paroles: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Il dit aussi Azza wa Jal, dans le sens de ses paroles: à chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. La croyance aux messagers implique de croire qu'ils sont des hommes, des êtres humains, qu'ils sont créés et qu'ils n'ont aucune part ni dans la seigneurie, ni dans la divinité. De même qu'il leur arrive ce qui est propre aux êtres humains, comme la maladie, la mort, le besoin de manger, de boire, etc. Le premier d'entre eux, le premier des messagers, était Nuh, alayhi salam, Noé, et le dernier était Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le sens de ses paroles: nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et au prophète après lui. Et nous voyons dans le sahih de l'imam al-Bukhari, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dans ce hadith, qui est communément surnommé le hadith de l'intercession, hadith al-Shafa'a, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua des gens qui viennent au jour du jugement à Adam alayhi salam, afin qu'il intercède en leur faveur. Et Adam alayhi salam s'excuse auprès de lui et leur dit: venez à Nuh, Noé alayhi salam, le premier messager envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à propos de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles: Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Et il n'y eut de communauté sans qu'Allah lui envoya un messager qui l'appelle à sa législation. Comme le dit Allah dans le sens de ses paroles, comme nous l'avons évoqué précédemment: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. De même qu'Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ses paroles: il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et la foi au messager implique quatre points. Le premier, la foi que leur message est une vérité provenant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui mécroit au message de l'un d'entre eux aura certes mécru en l'ensemble d'entre eux. En effet, Allah dit, dans le sens de ses paroles, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Allah donna ce jugement à propos du peuple de Noé, qu'ils ont mécru en l'ensemble des messagers, alors que aucun messager ne fut envoyé avant lui. Et il donna ce jugement, tabaraka wa ta'ala, sur eux, de par leur non-croyance au message de Nuh, Noé, alayhi salam. Cela implique que les chrétiens qui n'ont pas cru au message de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ont mécru par cela en l'ensemble des messagers, et parmi eux, el-Messih, Isa, ibn Maryam, alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Ils ont mécru en lui et ne l'ont pas suivi. Et en particulier car ce dernier, alayhi salam, a certes annoncé la venue de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de sens dans sa bonne annonce de la venue du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est car ce dernier est un messager qui sera envoyé à eux aussi, qui viendra afin qu'Allah les sauve par lui de l'égarement et les guide sur le droit chemin. Le deuxième point qu'implique la croyance aux messagers, la foi de ceux à propos desquels nous avons eu connaissance en leur nom, comme par exemple Mohammed, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, alayhim salam. Et ces cinq-là sont ceux qu'on appelle Ulul Azm min ar-Rusul. Comme Allah tabaraka wa ta'ala les a évoqués dans le Coran, il dit dans le sens de ses paroles, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ulul azm min ar-rusul, c'est-à-dire ceux dotés d'une grande patience et d'une grande persévérance. Et ceux qui furent évoqués dans le Coran parmi les prophètes et les messagers sont au nombre de 25. 18 d'entre eux ont été évoqués dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le sens de ses paroles. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham, Ibrahim, contre son peuple. Nous élevons en haut degré qui nous voulons, ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui avons donné Isaac, Ishaq et Jacob, Yaqub, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, Nuh, nous l'avons guidé auparavant. Et parmi la descendance d'Abraham, Ibrahim ou de Noé, Nuh, David, Daoud, Salomon, Suleyman, Job, Ayoub, Joseph, Youssouf, Moïse, Moussa et Aaron, Haroun. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même que Zacharie, Zachariah, Jean-Baptiste, Yahya, Jésus, Issa et Élie, Ilyès, tous étant du nombre des gens de bien. De même Ismaël, Ismaïl, Élisée, Eliasa, Jonas, Younous, Élote, Lot, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis, guidés vers un droit chemin. Et le reste des messagers et prophètes, parmi ces 25, ont été évoqués à d'autres endroits dans le noble Coran. Nous pouvons ici rajouter un 26e prophète, selon l'avis le plus juste, qui est Al-Khadir, qui fut évoqué dans la sourate Al-Kahf, la caverne, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala évoqua son histoire avec Moussa alayhi salam. En effet, Al-Khadir, d'après l'avis le plus juste, était un prophète alayhi salam. De même que ceux parmi eux dont nous n'avons pas eu connaissance de leur nom, nous croyons en eux de manière générale. En effet, Allah dit, dans le sens de ses paroles, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Le troisième point qu'implique la croyance aux messagers, le fait de croire et de rendre véridique ce qu'ils rapportèrent comme récit et information, de même ce qui nous est parvenu de cela de manière authentique. Le quatrième point qu'implique la croyance aux messagers, la mise en pratique de la législation de celui qui nous a été envoyé, le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fut envoyé à l'ensemble des gens. Allah dit en effet dans le sens de ses paroles, Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Pour finir, je rappellerai que de notre foi au messager, nous récoltons des fruits grandioses. Parmi ces fruits, premièrement, la connaissance de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son intérêt qu'il porte à ses serviteurs. Ceci par l'envoi à eux des messagers venant de lui afin qu'ils les guident sur le chemin d'Allah, sur le droit chemin et qu'ils leur éclaircissent la manière correcte d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Car en effet, la raison humaine ne peut à elle seule connaître cela. Deuxièmement, la croyance aux messagers nous amène à remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour ce grand bienfait. Troisièmement, l'amour de ses messagers, alayhim salatu wassalam, ainsi que la reconnaissance de leur place élevée, de même que l'éloge que nous devons faire à ces derniers par ce qui leur convient et ce qui convient à cette place. Car ce sont des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils l'ont adoré de la meilleure des manières et ont transmis son message, de même qu'ils ont conseillé de manière pure et sincère ceux à qui ils furent envoyés. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.